dans mon cœur, F caresse gravée. J'ai mal, mon cœur nage dans l'incertitude, comment j'ai avé. On se reverra peut-être dans cette terre où le vrai soleil se lève et là où les illusions se dissipent et laissent briller les rêves. Et ton départ vers l'autre ici m'a laissé bouche bée. La route se rétrécit avec un grand vide à mes côtés maintenant que ton esprit flotte avec les anges. Il sera si dur de poursuivre le chemin avec aisance. C'est pour F, R, E, D, Y, K. À ton phrasé délicat, un adieu mélodique, dernière lame rythmique. Surtout un grand merci pour tout ce que tu m'as appris. Ces joies, ces peines, ces silences, ces folies, ces pleurs et ces cris. Quand la tristesse ne s'écoule pas par l'œil, alors elle s'écrit et s'accroît. À chaque fois, je repense au moment avec toi. Et si je suis derrière ce mic aujourd'hui, c'est un peu grâce à toi. J'oublie pas, tu m'as fait croire en mes vers alors que j'étais comme un gars. On laissera du vide sur quelques pages. J't'ai versé quelques vers en hommage, en hommage. My big brother's gone, we lonely. The big man left this earth and leave us alone. Why life so cool with us since we were born? Now my religion is flying to another moon. Plus de place sur ces quelques pages, alors j'écris sur ces nuages comme un geste de désespoir qui nous rapproche depuis ton départ. Ma voix ricoche dans le ciel, s'accroche au vent, t'accompagne dans ton profond sommeil, en haut quelque part, mais ici t'es partout, dans mon cœur, mon esprit, bien plus fort que nos rancœurs, mon frère, t'es plus qu'un ami. Putain, même pas eu le temps de te dire ces choses, gardé par fierté et orgueil. Et ce 24-11, comment contenir mes larmes face à ton cercueil? My big brother's gone, we lonely. The big man left this earth and leave us alone. Why life so cool with us since we were born? Now my religion is flying to another moon. Hier j'ai vu un ange, j'ai vu un ref me dire c'est l'heure. J'ai vu ma race se décupler devant cette ironie du sort. J'ai vu mes mains trembler et mes yeux pleurer. J'ai vu tout ça en un instant, instant qui fut éternité. J'ai vu tant de choses et si peu en si peu de temps. Pour emmagasiner j'ai posé sur feuille mes sentiments. Aujourd'hui je me présente devant vous. J'ai rien du tout à part le cœur pour seul atout. Dis-moi que faire pour m'en sortir dans ce monde de chiens. Je sais qu'au loin tu nous protèges, FK. Je dédie ces quelques mots à ta famille. Repose-toi mon ref, nous t'oublie pas nos cœurs avec toi. My big brother's gone, we lonely. A big man left this earth and leave us alone. Why life so cool with us since we were born? Now my religion is flying to another moon. Hey, y'a trop d'images frélies qui me traversent l'esprit. Si je pose sur ce son, c'est qu'aujourd'hui t'es parti. J'ai pas eu le temps de te dire au revoir, de profiter de ta présence, mais il est trop tard. T'as fait tant pour moi, un petit frère tu vois. Le hip-hop français va regretter ta voix. C'est FK pour toi, ça résonne encore. S'il y a une vie après la mort, t'en sortiras plus fort. My big brother's gone, we lonely. A big man left this earth and leave us alone. Why life so cool with us since we were born? Now my religion is flying to another moon. Vendredi 9 novembre, aujourd'hui pour moi, le jour se lève sans toi. Je garde cette date en mémoire, au crépuscule à 8h du mat. À l'heure où l'économie bat son plein, ce matin j'ai appris ton dernier tremplin. À l'heure où je t'écris ces lignes, j'ai du mal à faire le deuil. La larme à l'œil, je regrette ces derniers mots, mon tension. Même pas eu le temps de faire le clip de So Crazy, celui dont on avait tant d'idées. Ton torse nu cette nuit d'été m'aura convaincu. La vie en carton, à peine tu cartonnes, voilà au-delà de la voie lactée. Alors tu te faisais une balade, apparemment de trop. Et si je t'avais trouvé ce billet d'avion, sûrement qu'on éviterait celui du camion. Mais alors, avec des si on ferait du ski au Sénégal. Alors je garde le moral haut, car c'était sa volonté. Nul ne peut t'aller en compte, mais par contre pour toi je prie pour ce monde meilleur que le nôtre éphémère, hélas yo. My big brother's gone, we lonely. The big man left this earth and leave us alone. Why life so cool with us since we were born? Now my religion is flying to another moon.